meilleure vie, loin des photos sur les bateaux où la mer est turquoise. Avec maman j'ai ma vie, je lui raconte mes problèmes. Elle me donne son avis, elle me donne son avis. Ça me voit, ça vient comme des fourmis. J'peux plus honnête sans c'est plus dans la ville. La vie. Des fois j'suis blasé, mais nique sa mère le passé. Que des flots décassés, en fait tu fais pour passer. Y'a des valeurs, les principes, les petits bâtards qui t'incitent. Le bon Dieu t'éloigne, c'est un signe. On se parle plus, c'est ainsi. J'lui parle, il m'écoute pas, comme si c'était un sourd. Des fois j'me sens pas bien pour rien, comme si c'était un sort. J'te voyais gentil, j'croyais que t'étais mon gars sûr. Maintenant quand on se parle entre nous, j'te dirai mon cas sort. Qu'il faut pas faire ça. J'm'habille pas en Versace. J'en ai des pays au Prado. En RS4 ou en Berlingo. J'ai des couteaux dans le dos. J'm'habille pas en Versace. Y'a pas ma tête sur les plateaux. J'peux faire le traître. Réfléchis bien, dis-toi qu'il faut pas faire ça. J'peux le miskin dans l'affaire. J'crois que j'ai raté des sessions. Plus personne traînerait avec toi s'ils savaient la vraie version. J'suis tellement parano. J'fais de reportage en immersion. J'suis plus qu'un et un qui me voit. Direct faut faire diversion. Moto debout, je me suis fait des frayeurs. Wesh les gars, je parle pas de vous. Je dis pas que je suis le meilleur. Respect à ceux qui donnent pas d'ego par jalousie. Je voulais dire, crois pas, perdre tous tes potos, ça fait mal aussi. Respect à ceux qui ont quitté Marseille pour l'Andalousie. Même quand je vais mal, je préfère enfumer la pute aller au psy. J'ai connu la Zermi, les sandwichs, pain frites. Les potos qui font plus de sous que toi. Ceux qui t'incitent, qu'un but en faire la pute. Chico, sous la lune avec ma douce, j'écoute Despacito. J'm'habille pas en Versace, j'en ai des pays au Prado. En RS4 ou en Berlingo, j'ai des couteaux dans le dos. J'm'habille pas en Versace, y'a pas ma tête sur les plateaux. J'peux faire le traître, réfléchis bien, dis-toi qu'il faut pas faire ça. J'm'habille pas en Versace, j'en ai des pays au Prado. En RS4 ou en Berlingo, j'ai des couteaux dans le dos. J'm'habille pas en Versace, y'a pas ma tête sur les plateaux. Faire le traître, réfléchis bien, dis-toi qu'il faut pas faire ça.